Les boys côté, agent V, agent V, SAM, SAM, MSP à la prod, à la prod. Ici c'est tout pourri, y'a des pigeons et des ruelles sales. Donc on rêve en secret d'horizon, d'eau azur, rivé de sable, rap, rime et j'aime ça. Et je donne comme un bonjour par ça. Pour mes barbares, mes samouraïs qui disent les boys côté, c'est Darsa. Donc je vais être mes rimes qu'on me dise pas, c'est pas terrible. J'ai pas le sourire, je suis touché par la haine comme une bac. Si la bactérie t'es l'alcool shit coule en ectolique, je suis loin d'être un mec police. Il faut que je mette ton ex au lit sans effet de folie. Les boys côté une bombe microphonique, pas de gros bolide. On prend nos pieds avec de la weed hydroponique. J'espère briser nos morales, font des bons comme des trampolines. Je me cramponne, bah oui, je me dis que c'est pas si dur. Grandir à Paris, j'ai pas de part si je parle pas. Puis ça sert à quoi si je m'épuise? J'ai les deux doigts dans la prise, donc me parle pas de tes petites déprimes. Donc me parle pas de tes petites déprimes. On a appris à subir le boycott, à galérer, se faire trahir par ses propres potes. C'est sur des feuilles que les pensées sont compressées. Le SLV toujours présent, j'espère que t'as compris ça. On a appris à subir le boycott, à galérer, se faire trahir par ses propres potes. C'est sur les feuilles que les pensées sont compressées. Le SLV toujours présent, j'espère que t'as compris ça. Ici bas c'est pas rare qu'on s'emmerde. Le sol mais je m'enfonce quand même. J'ai beau me dire come on, bouge toi le cul merde. Tu sais c'est comment quand les ténèbres repoussent la lumière. J'ai le coup de tête affûté, tiens les murs comme un graffiti. C'est qu'ici faut être graffuté. Je raffine ma feuille d'icave, ma souplesse mentale. Je cale un cut pour mieux que le couplet t'entaille. Je dérive sur les rotules, loin de tous ceux qui roucoulent. Plutôt caché comme la tarentule. Pas besoin de guide du routard pour barouder ma vieille. J'oublie pas la ruelle, je renie pas le parcours de la veille. Dans nos crânes bouillonne la chaleur de la braise. On croit pas ce qu'on nous donne ni les mensonges de la presse. Laisse ma trace, pas de son d'actrice. Ça rap gratte sa race. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut que je me rattrape avant que je m'arrache. Avant que je m'arrache. On a appris à subir le boycott, à galérer, se faire trahir par ses propres potes. C'est sur des feuilles que les pensées sont compressées. Le SLV toujours présent, j'espère que t'as compris ça. On a appris à subir le boycott, à galérer, se faire trahir par ses propres potes. C'est sur les feuilles que les pensées sont compressées. Le SLV toujours présent, j'espère que t'as compris ça. Mec, pénètre dans la cabine comme dans un vagin. Donc préviens tes voisins car ce soir on est plein. On a faim et cousin c'est en marche, qu'on prend le train. Fais pas d'entrée, on risque d'avoir l'empreinte. La tête sur le ciment, nous rassurer, non, le shit devient chimique comme un surimi. J't'assure l'ami, combien t'en as vu partir en fin de partie? Donc j'pactise avec Jack et Daniel, se me rassure, c'est grave dur, ça rapporte pas d'escalader le mur. T'étonnes même pas si ton ami te la mise. Il me parle pas de rap, j'vais me zèvre, demande à Samy. Ça fait 20 les années qu'on noircit les pages. J'fais pas sucer, j'préfère évoluer parmi les barges. La poisse nous héberge, demande-lui si on a pas traîné. Boycotté par les Schmitt et par le patronat, pas très net. Je me sens de la baise, échec et mat. Ma haine, je la chante sur chaque note. On a appris à subir le boycott, à galérer, se faire trahir par ses propres potes. C'est sur des feuilles que les pensées sont compressées. Le SLV toujours présent, j'espère que t'as compris ça. On a appris à subir le boycott, à galérer, se faire trahir par ses propres potes. C'est sur les feuilles que les pensées sont compressées. Le SLV toujours présent, j'espère que t'as compris ça. On a appris à subir le boycott, faire trahir par ses propres potes. Les pensées sont compressées, SCV toujours présent.